Poetic Records. Ne dites pas que le rap est mort, c'est mort. Des entrailles de l'enfer, j'en suis revenu avec la plume en or. Frère, faut pas s'en faire, jamais tout le monde d'accord. Sans remords, je rappe encore. Imaginaire, non plume légendaire. Sans la porte, quel instruit j'imagine l'air. J'évacue toutes les larmes de mon corps. Vous en voulez encore, sans garde du corps. Si la vie était un film gore, d'accord, poteau, je foncerai droit dans le décor. Comme un gofasse en pleine vitesse, j'ai aussi sa vitesse. Je comprends maintenant pourquoi les jeunes appellent tous heures sur des vitesses. Parce que c'est la reste, 2013, faut du peser en vitesse. Même sans tu, j'ai gravirai les vresses. Dans mon rap, la clé, puis qui je laisserai les restes. Les gens c'est mon rayon, bla bla, un seul deviendra légende, c'est mon crayon. J'plaque pas, compare pas la Bible de l'époque qui dit Dieu donné. Regarde ce que genre tu vis Dieu donné. Profite de ta vie, c'est ta mère et non Dieu qui te l'a donné. Et non Dieu qui te l'a donné, c'est abusé. J'en sens comme une envie de déraper. Sur le bord des accusés, je suis le premier à rapper. Écoutez ma voix, attendez-moi, fermez-moi, ligotez-moi. L'enfer est avec moi, mais le ciel est en émoi. Les poteaux prennent du ferme. Merde, quand j'ai ma ferme, ça se la ferme, c'est la merde comme ta fait à la ferme. Où reste droit, on tient debout. Même si le fil de la vie se brise, poteau, dans la prise, je joindrai les debout. Commis comme chez moi. Quand je parle de prostituées où sont passés les amours. Haine, rage, bonheur, malheur, dans la merde on nage. Y'a pas de monde meilleur, Satan me tend la main. Même à jeun je lui tendrai le poing. Perdu frère dans un désert qui n'est pas le mien. Je rate ni moi ceux qui se propagent dans le coin. Avec rage, dans ce monde y'a pas que l'envie qui nous tient en vie. Y'a peur aussi, acrobate à la Spiderman, je m'accroche à la vie. Quand je te raconte comment ma vie c'est sévère. Autant qu'un poète qui subit le rongement de ses vers. G.I.P.2Z, on est perdu dans ce désert. Je rappe pour les êtres chers dans les airs. L'enfer on peut plus s'en défaire. Alors si on rappe c'est pour les frères. On est perdu dans ce désert. Je rappe pour les êtres chers dans les airs. L'enfer on peut plus s'en défaire. Alors si on rappe c'est pour les frères. Optimiste, j'en suis parti en voilier. À la dérive, à peine 2-3 coups de pagaie, je me suis senti m'envoler. Entre rêve et réalité, la mélancolie c'est le bonheur d'être triste en vérité. J'ai pas peur d'être aimé, tu me connais. J'ai juste peur d'être blessé, j'ai déjà tant donné. Je pensais d'écrire ma vie avec une plume. Sans rancune, ce que j'ai récolté, c'est une fleur fanée. Une de perdue, 10 heures trouvées pour m'échapper. J'ai trouvé les clés de la porte dans le RAP. Cœur brisé, poteau, j'en ferai sûrement un porte-clé. À l'école de la misère, on est des millions sur la chaise. Et à l'école de la mélancolie, on est des millions sur le micro. Je te l'explique en un mot. Quand je rappelle pas de comment ne pas devenir un escroc. Quand on voit tout le patrimoine de l'UNESCO. Les jeunes portent du croco. Mais la famille à l'écro. Mais la famille à l'écro. J'ai B2Z 2013 2013. L'histoire continue. Aïe.